ça ne va pas le faire, mon énergie s'enfuit. Ici c'est morne plaine, je parle du fond de mon lit. Je n'ai plus de désir, seulement des souvenirs. Je ne suis plus un pur sang, je constate impuissant que le mot libido rime avec Waterloo. Le moteur est cassé à cause d'une panne de sens. Voyez l'homme du passé, perdu sans appétence. Il roule en sa trapante jusqu'à la nuit tombante et court après son fluide sur une autoroute vide. Voici venir le signe que notre amour se fane. À d'autres, si tu veux, va faire le coup de la panne. La sève de tes 20 ans, souviens-t'en un instant. Au lieu d'un matador, je trouve un dinosaure qui a tout assouvi à la moitié de sa vie. Le moteur est cassé à cause d'une panne de sens. Voyez l'homme du passé, perdu sans appétence. Il roule en s'attrapant jusqu'à la nuit tombante et court après son fluide sur une autoroute vide. Des images me reviennent, je songe à Mandela. Pourtant c'est pas le moment, je sais pas ce qu'il fout là. L'Éthiopie, le Life Aid, la fin de l'apartheid, dernier feu d'une histoire qui s'estompe dans le noir. Mes tissus érectiles voient fuir la force tranquille. Voilà, nous en sommes là de notre nuit sans rêve, attendant immobile que le soleil se lève. Nous chercherons demain, dans le bazar des soins, un remède pour nos corps, une béquille pour nos âmes, pour retarder la mort en rallumant la flamme. En rallumant la flamme. En rallumant la flamme.